Y'a plus d'âge, j'sais pas comment j'vais faire pour rapper ce texte. Y'a plus d'âge, c'est le thème, plus d'âge pour enculer le système. Y'a plus d'âge pour choper une maladie incurable. Y'a plus d'âge pour se faire baiser par une femme. Y'a plus d'âge pour être dans la merde jusqu'au cou. Plus d'âge pour préférer la Jack Daniels plus que l'eau douce. Y'a plus d'âge pour voir une fille à quatre pattes. Plus d'âge pour survivre d'un amour brisé au carplat. Plus d'âge pour finir sa vie dans la rage. Tourner la page, couper les liens des siens à la hache. Y'a plus d'âge pour faire un gosse négro. Plus d'âge pour vendre la drogue. Plus d'âge pour consommer sa mort, ouais gros. Y'a plus d'âge pour pleurer tout seul, tout en douleur. Y'a plus d'âge pour crever tous et tout en douceur. Y'a plus d'âge pour s'enfiler un Glock, des gants et le collant. Plus d'âge pour s'envoler dans un mauvais virage au volant. Ouais gros, dis-moi qu'est-ce t'envisages. Peine, peine au visage. La haine, haine, bricard, y'a plus d'âge. Chez nous, on traîne, on vit mal. Ça se baise, ça reste bizarre. Le respect n'existe plus, y'a plus d'âge. Ouais gros, les mecs te tirent dessus pour te dire fils de pute. Y'a plus d'âge. 13 ans, cette mesquette n'a de sus. Le respect n'existe plus. Y'a plus d'âge. Y'a plus d'âge pour vivre en marge. Y'a plus d'âge, marche droit ou zigzag pour être ridé. Y'a plus d'âge pour voir une putain. Genoux sucer, plus d'âge. Le gouffre plus tard qu'une vie pour elle, y'a plus d'âge. À 20 ans, y'en a qu'on vécu plus que ceux qu'on s'entend. Pas ta chance quand t'as l'air dur, on peut que s'entendre. Y'a plus d'âge pour rire, y'a plus d'âge pour pleurer. Y'a plus d'âge pour souffrir, non. Y'a plus d'âge pour crever, pour passer sous les roues d'une Jeep. Pour gratter tous les sous tu pisses, pour finir sous les verrous tu piges. Y'a plus d'âge pour voir une fille prostituée. Eh, plus qu'une balle, plus d'âge pour ne pas revenir entillé. Lâche, y'a plus d'âge pour le perdre mal, faire mal. Y'a plus d'âge pour cave ou pour te taire là. Y'a plus d'âge, demande au juge d'instruction. Demande leur rage, perpète c'est l'âge pour un putain de coup de pompe. Ouais gros, dis-moi qu'est-ce t'envisages. Peine, peine au visage, la haine, haine, bricard, y'a plus d'âge. Chez nous, on traîne, on vit mal. Ça se baise, ça reste bizarre. Le respect n'existe plus, y'a plus d'âge. Ouais gros, les mecs te tirent dessus pour te dire fils de pute. Y'a plus d'âge. 13 ans, cette mesquette n'a de sus. Le respect n'existe plus. Y'a plus d'âge. Y'a plus d'âge pour goûter la merde, pour écouter la messe, pour couper la tête, cousse. Pour tous et sa haine, y'a plus d'âge pour se branler. Plus d'âge pour niquer ta mère. Plus d'âge pour se dévierger, plus d'âge, je te dis c'est la hesse. Plus d'âge pour avoir des cheveux blancs, avoir de belles dents. On paie tout avec l'argent, ok rappelle-t'en. Y'a plus d'âge fils pour t'apprendre le respect. Y'a plus d'âge pour voir un polos, vouloir tester. Plus d'âge pour se repentir ou jouer avec le chétan. Pour croire ou pour se mentir, doué au cri du pétard. Pédale pour finir dans tous ses états. Brûler la clope et ses tas, se munir d'un Glock et ses balles. Y'a plus d'âge que ce soit pour le divorce ou le mariage. Plus d'âge pour vouloir visiter la robe à Marianne. Y'a plus d'âge mais nique ta maman. Dégage, y'a plus d'âge pour rêver d'un cœur fait sa mort. Y'a plus d'âge, j'lève mon doigt en l'air pour tous ces bâtards. Y'a plus d'âge pour dormir seul sur un banc dans la cave. Y'a plus d'âge pour se tuer man c'est l'air. Y'a plus d'âge pour rêver d'un ciel bleu sur nos HLM. HLM. Ouais gros, dis-moi qu'est-ce t'envisages. Peine, peine au visage. La haine, haine, bricard, y'a plus d'âge. Chez nous, on traîne, on vit mal. Ça se baise, ça reste bizarre. Le respect n'existe plus, y'a plus d'âge. Ouais gros, les mecs te tirent dessus pour te dire fils de pute. Y'a plus d'âge. 13 ans, cette mesquette n'a de sus. Le respect n'existe plus. Y'a plus d'âge. Ouais gros, dis-moi qu'est-ce t'envisages. Peine, peine au visage. La haine, haine, bricard, y'a plus d'âge. Chez nous, on traîne, on vit mal. Ça se baise, ça reste bizarre. Le respect n'existe plus, y'a plus d'âge. Ouais gros, les mecs te tirent dessus pour te dire fils de pute. Y'a plus d'âge. 13 ans, cette mesquette n'a de sus. Le respect n'existe plus. Y'a plus d'âge.